plus fort, j'entends rien. Bonjour à tous et à toutes et bonjour aussi aux autres. Bien entendu, vous entrez dans Plus Fort, j'entends rien, le mag d'actu tout terrain. En direct tous les mercredis à midi, rediffusion à 19h et le jeudi à 8h de mat, puis en podcast par la suite sur le radiodio.org. Au programme aujourd'hui, eh bien, il va y avoir du voyage. On peut voyager chez soi, on peut voyager pas très loin, ou on peut voyager à l'autre bout du monde. Eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et cette émission va être largement centrée autour du hip-hop et des musiques plutôt groove. Peut-être que c'est le printemps qui fait un effet sur ma froideur habituelle. Allez savoir. Au programme, oui, eh bien, on va écouter du rap à la cristallerie de Givor. On va découvrir un petit échantillon de la scène trap japonaise et ensuite on se délectera de nouveautés et de sorties musicales made in Saint-Étienne. Et on commence donc par une restitution d'un projet mené par Radio Dio en partenariat avec le DITEP La Cristallerie à Givor, et monté notamment avec Claire Huertani, orthophoniste, et Stéphanie Gagnère, qui est enseignante dans ce DITEP. Qu'est-ce qu'un DITEP, me direz-vous, puisque tout le monde ne connaît pas les initiales de tous les dispositifs qui existent dans ce monde? Eh bien, c'est grosso modo un institut thérapeutique éducatif. Il est destiné à des jeunes qui rencontrent des difficultés psychologiques, des troubles du comportement et qui perturbent l'accès à l'apprentissage et ont des difficultés à suivre un cursus général. Ça, ce sont les grands mots, les mots institutionnels, mais malgré quelques séances mouvementées, il faut bien le reconnaître, moi j'ai surtout sur ce projet hip-hop, écriture et enregistrement, rencontré des ados qui ont montré une motivation gigantesque en se confrontant à leurs difficultés et qui surtout ont mis leur trip sur papier et dans le micro, leur trip comme peu d'adultes oseraient le faire, je pense. Je vous préviens tout de suite, âme sensible, s'abstenir, c'est pas du soprano ou du rap pour l'école primaire. Les textes sont pas toujours faciles dans le contenu, mais ils sont dits avec toute la motivation et des plumes aiguisées. De grosses dédicaces donc à Claire et Stéphanie, mais aussi, et bien sûr, surtout aux stars du jour, Ludovic, Anis, Léon et Dylan, qui ont participé à ce projet du Crystal Crew. Je vous propose une mixtape de 9 minutes de l'intégrale des enregistrements effectués à la cristallerie à Givor. Quand le cristal pleure et que la mire est floue, quand le cristal crie ou qu'il défonce tout, quand le cristal est en sueur ou que la mire est doux, quand la cristallerie devient Crystal Crew. Ouais, SKDOZ, bientôt dans les bacs, allez streamer ça sur toutes les plateformes. Grandi dans les VK, poto en Valka, le Covid a fait des cas, mais moi je suis isolé. Plus d'amour pour personne et je suis pas hypocrite, donc je ne vais pas l'animer. Mucha gente me decepciona, pero no importa, soy solido. Hein, ouais, hein. Je pose uniquement sur l'instru pour montrer qui je suis à tous ceux qui n'ont pas cru en moi. Je veux devenir riche pour pas avoir l'utilité d'arrondir les fins de mois. Beaucoup disent que je suis le petit gentil, mais oublie que je suis un big cas. C'est pas une vie très facile, ce qui fait que par période dans mes pensées je me noie. Je me noie. La vie ne m'a pas fait de cadeau, mais jusqu'à présent je me suis toujours relevé. Je suis une bonne personne, preuve que maman m'a bien élevé. Qui est pour moi la plus belle dame? Si je pouvais, j'aurais fait déjà voyager de New York à Amsterdam. Ma vie est aussi hasardeuse qu'un électrocardiogramme. Ha ha ha! t'es ma Messine, tu vas comprendre ma langue. On est parti de rien, juste avec le talent, le langage tabasse, mais on parle pas l'allemand, je suis vulgaire comme le catalan. Mais j'insulte pas dans mes textes, c'est marrant. En contrôle frappe, but, c'est facile en parlant. T'arrives pas à suivre, je m'en pose le temps de mi-temps de rap. Je crois que c'est un temps, je reprends mon souffle et c'est reparti. Mon inspi me vient la nuit, 1h30, c'est pas gaulerie, il faut que je change de rime. En vrai, mais les mots vont venir, je le sais. Je suis pas voyant, et j'ai pas de boule de cristal comme Son Goku. Qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Inch'Allah, je sors de la cristal. Je fais pas de coups de fou, mais j'sais rendre les coups. Je suis entre deux mondes, l'ado et l'adulte. Quand je m'énerve, je suis comme dans un micro-ondes. Je peux te le dire, c'est pas une histoire culte. Je m'apprête à fêter mes 18 ans. Je vais pas me laisser enfermer dans mon Rubik's Cube. Je vais continuer d'avancer et sortir un tube. À force de tourner dans tous les sens, tu trouves la sortie. J'ai la haine depuis ma naissance, mais finalement j'ai trouvé mon inspi. Tu peux lire mon texte à l'envers, ça fonctionne aussi. Mon cerveau est comme mon texte, il est à l'envers, mais il reste à l'endroit, je l'ai pas choisi. Je me présente, moi c'est SKZ, perdu dans ma tête, on dirait pas comme ça, mais moi aussi j'ai peur pour mes pensées. Elle m'effraie plus que tout, j'ai toujours ce passage en tête, où je me fais fumer dans un rêve, ah, un mauvais rêve. J'ai peur qu'il soit réel, jamais félicité, je demande un petit bravo, je m'en bats les couilles du prix Nobel. J'ai pas d'exemple à suivre, car dans l'histoire il était écrit que ça devait être papa le modèle. Eh, la tête haute à tout honneur, jamais pathétique, je porte le poids de mes mots comme pendentif. La jalousie des envieux ne m'a pas épargné, toujours pris pour cible, mais jamais inquiété. 2023, je croise des gens qui te souhaitent une bonne année. Et c'est à cause de ces gens que tu finis par rater le brevet. Que je fais pour mériter ça? Daron à moitié présent, comme si c'était perdu sur le chemin de la maison, sur une tour Eiffel avec une Clio dans le carrefour. Quand le cristal pleure et que l'avenir est flou, quand le cristal rit ou qu'il défonce tout, quand le cristal est sûr ou que le sourire est doux, quand la cristallerie devient cristal crew. Ma tête, y'a pas de lumière. La porte est fermée, mes rideaux sont tirés. Et j'allume la télé. Un screamer qui sort du placard. J'suis choqué, j'ai claqué la porte. Trop fort, je me retrouve enfermé. Dans la chambre, ça pue le cafard. Les volets sont bloqués. J'hésite à ouvrir, qu'est-ce que je vais découvrir? Finalement, le zombie, c'est peut-être moi. Je serai jamais roi. Je peux au moins devenir moi. Devenir moi, devenir moi. Prête-moi ta plume, mon ami Pierrot. Je vais te jeter mon enclume, tu diras plus un mot. Prête-moi ta plume, mon ami Pierrot. Je vais te jeter mon enclume, tu diras plus un mot. Prête-moi ta plume, mon ami Pierrot. Je vais te jeter mon enclume, tu diras plus un mot. Elle est brutale, elle a souvent fait mal. Elle est sentimentale. Quand je m'énerve, c'est à elle que je pense. Elle m'a aidé à ouvrir les yeux. Et j'ai réalisé que ma mère n'était pas si rose qu'elle en avait l'air. Et je mettais toute la faute sur mon père. Il n'était pas si méchant, c'est clair. Elle m'a pas laissé le temps de le connaître. Mon dernier souvenir d'eux ensemble, c'est une chaise balancée sur la tête. Ça marque, ça nous marque. Et il s'appelle Marc. Y'a beaucoup de choses que je pouvais dire, mais je sais pas comment les exprimer. C'était la fin du début, ou plutôt le début de la fin. Des belles choses, des belles choses, des belles choses. Prête-moi ta plume, mon ami Pierrot. Je vais te jeter mon enclume, tu diras plus un mot. Prête-moi ta plume, mon ami Pierrot. Je vais te jeter mon enclume, tu diras plus un mot. Prête-moi ta plume, mon ami Pierrot. Je vais te jeter mon enclume, tu diras plus un mot. prête-moi ta plume, mon ami Pierrot. Je vais te jeter mon enclume, tu diras plus un mot. CSK au chromie, poto, je t'ai dit chez moi, y'a pas de chichi. La mentale à rambo, nerveux comme ma culture. Tellement j'vique la pointe, autant micro qui sature. J'ai la vivacité et le kick-ass qui te fera perdre ta coiffure. Les pélos qui frappent leur femme, j'peux pas les voir en peinture. Demain j'avoue un gros, il mourra à coup sûr. J'arrive sur la prod comme Neymar sur le terrain, je me concentre sur ma vie. Gros, j'ai pas le temps pour tes katas, je suis détruit de la terre, mais je le monte pas comme Kakashi. Putain, abusé, la faute dont je perce parce que la paire elle est usée. Moi j'ai besoin de personne pour monter, toi t'as sucé. Oh, pas ma faute si ma voix elle provoque le succès. Mon cœur a fini de se consumer, j'en garde le souvenir dans un petit cendrier. 2h du matin, je trompe le sommeil, je redessine ma vie comme si c'était un shonen. Les potos qui reviennent quand tu perces, ouais, ça fout grave la haine. Pour ces salopes là, moi j'ai pas de peine. Je passe au Hanou, je récupère des feuilles et un paco de camel. Pas mal de mensonges, je te fais bouffer le sol. Y'a ceux qui violent qui prennent 5 mois et ceux qui vendent qui prennent 5 ans. Mais ça, tu l'entends pas sur RTL. Ça, tu l'entends pas sur RTL. C'est ah, ah, ah. Je vois rouge comme sur mon bulletin trimestriel. Ma vie fait commencer. Les pièces de mon puzzle, je suis en train d'assembler. Mes techniques sont profondes, je peux les téléchanger devant une assemblée. Je peux l'aider, chante, voir une assemblée. Mon blast CSKZ sur YouTube, tu peux me trouver. Tu peux me trouver. Tu peux me trouver. Tu peux me trouver. Tu peux me trouver. Tu peux me trouver. Mon blast CSKZ, tu peux me trouver. Tu peux me trouver. Tu peux me trouver. Tu peux me trouver. Tu peux me trouver. Tu peux me trouver. Quand le cristal pleure et que l'avenir est flou. Quand le cristal crie et qu'il défonce tout. Quand le cristal est sueur ou que le sourire est doux. Quand la cristallerie devient Crystal Crew. Une grosse dédicace au Crystal Crew. Une mixtape de 9 minutes donc de morceaux enregistrés à la cristallerie Agivore. Et je renouvelle mes big up aux voix que vous avez entendues. Ludovic, alias SKZ, Léon, Dylan, Stéphanie. Un projet que on continuera à suivre et que j'aurai le plaisir de continuer à partager avec vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Dio. Radio Dio, 89.5 FM. Une grosse dédicace aussi, j'allais l'oublier, à Tangerine Prod à Lille, dont j'ai utilisé plusieurs instrus sur les enregistrements. Et on passe sans transition de l'autre côté du monde avec un fil conducteur, le hip-hop, puisque j'ai eu une petite pérégrination, comme ça arrive parfois sur le web, et que je me suis mis à chercher du rap et de la trap made in Japan. Alors là, je vais pas du tout pas m'adresser à vous en tant que spécialiste, je n'ai aucune idée si les sons que j'ai trouvés et que j'ai aimés sont super connus ou pas du tout, je n'ai aucune idée de l'ampleur de la scène trap au Japon, ou si ça se trouve j'ai juste trouvé les seuls qui existent, je n'en sais rien du tout. La seule chose que je sais, c'est que j'ai vogué un petit peu dans le surf, trouvé pas mal de sons, et notamment 4 rappeurs, j'ai pas trop trouvé de rappeuse, avec une trappe qui en tout cas sur clip se présente un peu différemment de celle qu'on peut entendre aux États-Unis. Notamment il y a très peu de femmes en sous-vêtements dans les clips par exemple. Ça a l'air quand même de parler un petit peu de trafic, de deal, le fond de la trappe est quand même là, mais ça dépend des morceaux, vous allez voir, on va voir un petit peu au fur et à mesure. En tout cas, j'avais envie de partager avec vous justement ces voix un peu différente, puisqu'à chaque fois une langue amène une autre manière de rapper. Je vous propose de commencer par un son qui s'intitule on va dire un titre en anglais, des fois ça arrive, hein, vous allez voir, c'est mélange anglais japonais, Best Way To. C'est DJ Shari et DJ Tatsuki qui commencent ce petit focus japonais sur le 895 de Radio Dio. Aïe aïe aïe aïe. 何もうまくいかねえ。また頭抱え悩んでる。歌ってないなら死んでる。これないならとっくに死んでる。また誰かが泣いてる。またあいつ怒ってる。その間俺動いてる。その前に働いてる。Just do it, do it, do it, do it, do it, do it, just like Nike. Do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, just like Nike. Do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, just like Nike. Do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, just like Nike. Wake up, wake up.フィルのバックを朝の特一取っておき 2G in my pocket 受け取ったパーキーをポッケにイン偉そうしたような口叩いてあーだこうだうるさいうるせえあれもこれも全部まとめてかかってこいよ薬女金ぶち込んどく酒あれもこれもダメ黙れお前誰おまじないパフォーマージビビでバビでブーお前の画面に煙吐いてまた耐えてるケミクーライペッツオペッツそれでドゥレックスオンレックス俺ゲッシリゴーツーベッツマイブローライブルーエンディ俺はキャンスリーだけどいらないレアライト俺のフロムはシーサイこれでベストウェイツーダイ無理手がない逃げるって手はレイカキッチンビッチスニッチエンドリッチてかやっぱ俺狙われてた今しかないそう打つまで人気なりすぎヤツらの目がこっち向いたほら逃げきれない始末は誰俺とか俺金積み上げすぎたな何もうまくいかねえまた頭抱え悩んで歌ってないなら死んでるこれないならとっくに死んでるまた誰かが泣いてるまたあいつ怒ってるその間俺動いてるその前に働いてる But I'ma just do it do it do it do it do it do it just like Nike Do it do it do it do it do it do it do it just like Nike Do it do it do it do it do it do it do it just like Nike Do it do it do it do it do it do it do it just like Nike 8 9 5 Dio Spécial Japon Plus fort j'entends rien Ore wa nashitokeru Maji na hanashi Maji na hanashi Maji na hanashi Takutsu da kobi ga deru Mitai no wanashiMitai no one else Mitai no one else うるせ黙れクス俺は曲を書く yeah, yeah. チャリこぎすぎツルドフランス東京から飛び立つ成田か羽田、うん、お金の雨を降らすために稼いでるマス今も相変わらず俺のこと OK ししてた人たちにもはや興味がねえしあまり気にしないだから平気だけどうざいのはうざい Yeah うざいのはうざい Sorry not sorry 常に満身創痍 Yeah バカにつける薬なんてないいつか仲間たちと見る世界俺たちずっと一人ではない下から上に上がっていくのみ、hey, hey. 俺は成し遂げるマジな話マジな話マジな話退屈で首が出るみたいのはなしみたいのはなしみたいのはなし Living yourself more than good 勢いよく飛び跳ねろ、yeah.他に道はないと思うやりたいように切る、はい、俺は成し遂げるマジな話マジな話マジな話退屈で首が出るみたいのはなしみたいのはなしみたいのはなし俺は成し遂げるマジな話マジな話マジな話退屈で首が出るみたいのはなしみたいのはなしみたいのはなし A l'instant, c'était Hideyoshi sur le 895 de Dio. Et on va enchaîner. Je vous propose donc 4 morceaux de trap japonaise. On va poursuivre avec Gin Dog et Anarchy, le morceau Hooligan, là, qui était un peu sous-titré en anglais. Il y en avait plusieurs quand même comme ça qui m'ont permis de prendre un petit peu des repères et voir ce qu'il racontait quand même avant de diffuser n'importe quoi que je comprends pas. Et là, pour le coup, des contenus un peu plus pauvreté, hein, peut-être un peu plus politique que les autres qui avaient l'air quand même de parler de trafic un petit peu en tout genre, made in trap. Hein. Je vous propose donc tout de suite le morceau Hooligan 895. Honky, 俺のセリ普通からしたらちょっとヘビもしかしたら謝るくらいウェビ麦茶のように囲むヘニ Hold up, I don't think they're ready 腰ファキパンツは未だにベギー Hold up, these motherfuckers play ギャングの真似事して超駅お世辞じゃねえ生活かけてよ Plug walking, talking with a cartel おっさんまた説教垂れてよ相手のハンデお前に合わせよ撃たれるならもっとはみ出よお前気にせずぶっとく巻いてよ深い夜中に聞こえるサイレンうるさいから閉めとくカーテン気をつけなハイウェイ乗り込みスピードは異常なほどハイペース Ain't no runaway 誰でもない俺が決めた我がの my way 気をつけなあいつは現在ガチガチ入った内定 You don't need to swear homie Take care of business See me after 48 days 仕事はできない金も女も手にしたい あんな車に乗りたい隣にはベティちゃん俺の中のデビルがまだ悪さ企んでる死んでも幸福しない生きてるだけで無理だギャングスタ行き地ばらまくアマ忍者これだ69年のバラクーダ俺がこれに決めたってものは絶対手に入れるから邪魔するな俺も生まれた時はエンジェルでたまに出来合うデビルの演出です高い服着てるのにセンスね俺が欲しいものは AFK 値段じゃねえもんに価値探すダイヤモンドには涙がある綺麗事なんてクソくらいよそ見すんな全部奪っちまうぜストリートは命がけでさまずご了承くださいね各メディア正義に洗脳されてかぶれるなまずはナーキーだってことを忘れるな 他の仕事はできない金も女も手にしたいあんな車に乗りたい隣にはベティちゃん俺の中のデビルがまだ悪さ企んでる死んでも幸福しない生きてるだけで無理だい et Anarchie sur le 895. Et voilà ce qui arrive des fois quand on passe des après-midi à zoner. Je ne saurais que trop vous conseiller d'ouvrir un moteur de recherche sur les www, de taper un style de musique, un pays et d'essayer de chercher un petit peu à entendre des sons qui n'arrivent pas souvent jusqu'en France. Malheureusement, dernière Selecta, là pour le coup, c'est un hip-hop beaucoup plus empreint de tradition et d'imagerie traditionnelle japonaise un petit peu, il s'agit de Madi Soma, plusieurs sons avec pas mal de samples de musique trad, une esthétique un peu en mode ninja, vous allez voir d'ailleurs ce morceau qui s'appelle Ninja Mode, qui du coup va rappeler un peu curieusement toute l'importance du Japon dans le hip-hop et tout ce qui a pu être décliné notamment par le Wu-Tang Clan et tous ses adeptes Rizay, Jizay, etc. Autour des arts martiaux dans le rap, etc. Là, on est clairement un petit peu là-dedans. Je ne sais pas s'il en joue ou s'il le fait au premier degré. Difficile à savoir. J'ai pas le sens de la nuance en japonais. En tout cas, Madi Soma est ici en duo avec Young Nigo pour un Ninja Mode. What's his name? Old boy. Old boy. Yeah, that's great. C'est bien, je sais. C'est bien, je sais. Rick. Yeah, 가까운 시. I beat on the wire. Shit, running. 俺は二刀流。キラースティビはオーケストラ奏で上げる全身に。Yeah, 体一つでビートさばきこなす商売人。Hand, ネタにはサビ込めてる。Rowdy, rowdy, rowdy. 欲しいもんはすべて得る。Bowling like a Kobe. Yeah, real shit, real shit. All fresh, all fresh. I run in my chest, chest, chest. Bitch and snitch it. So keep on, we are never getting you bind by my turn. All day long, I'm living night long. Do my dance, all that I got up a look and bang. Got me all gold, chow, damn it, that's going straight. All day, thank you, shirt. Hey, day, money, and judge you for real. On that, she hit me, what's the shirt? Yeah, she no bitch. Get it, go shit back here. I'm real young, need you on a mission, bitch. Every day, I'm using chopstick. Wake up, white bitch. So good, whoa, whoa. I want CP, we need just money. I'm not it. This can't so bitch, I young nigga going a shit. CP, I'm sure you just kill. Go to work, I'll cut them. Pretty just, oh, don't worry, I don't recommend. Et voilà pour ce focus hip-hop dans Plus Fort, j'entends rien. On va passer maintenant à mi-parcours de l'émission au coup de cœur de notre réseau des fédérations radio associatives, pas comme les autres. J'ai nommé le réseau Ferrarock. Deux albums soutenus cette semaine, celui de Dead Chic, premier album qui a été diffusé hier dans Des Modés Sont Sensibles, un album intitulé The Venus Ballroom qui est sorti fin mars dernier. Et moi, eh bien, je vais vous diffuser le deuxième coup de cœur. Il s'agit d'un nouvel album, entre guillemets, de Deggy et Oogie. Deggy et Oogie, dont on a déjà suivi plusieurs partenariats avec le réseau Ferrarock, qui sort le 21 avril 2023 cette nouvelle prod, à nouveau chez X-Ray Productions. L'album s'intitule Remixed Treasures. Enfin, des trésors remixés, quoi, vous voyez bien, c'est avec mon anglais, c'est toujours pareil. Hein. Et donc, eh bien, après 8 albums au compteur, le beatmaker s'est livré à un exercice relativement classique du rap, du dub et de l'électro. L'album remixé par ses potes, quand même, plutôt, puisqu'on y retrouve eh bien, toute une scène qui fonctionne très bien ensemble et qu'on voit régulièrement en featuring sur les albums des uns et des autres. J'ai nommé une petite locale, des architectes, mais aussi Senbei, Altarba, DJ Vadim, La Fine Équipe, Prolétaire, Sketch, Bandicrew, bref, toute une tripotée de personnes que vous entendez régulièrement sur les ondes de Radio Dio. Ce disque, eh ben, comme des Guy et Oogie, un peu à l'habituel, c'est plutôt du hip-hop instrumental un peu tranquille pour boire une caipirina ou une petite suze au soleil et pour pas trop se brusquer. J'ai choisi un morceau qui sort un petit peu du lot, un peu plus remuant, mais aussi parce que eh bien, voilà, c'est un de mes producteurs préférés de toute cette liste. Je pense bien sûr à Altarba. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de cet album. Il s'intitule Too Shy to Dance. Too small to leave. slowly under the rain. These tiny steps to her way. Radio-Dio, 89.5 FM. Et voilà, bien sûr, je vous rappelle que l'émission mutualisée de la Ferrarock que nous concoctons à la trentaine de radios que nous sommes sera diffusée ce Dig Dig Diggers ce vendredi midi, rediff à 19h et lundi prochain à 8h. Vous retrouverez donc Deggy et Oggy, Dead Chic et l'habituelle carte blanche de la Ferra. Et maintenant, pour fêter ce joli mois de mai et ce joli 1er mai que nous avons fêté ici à Saint-Étienne, dans des rues bien remplies, j'avais envie de rendre hommage à cette ville et à ses productions locales. Et oui, une flopée de disques qui sortent en ce moment et donc une flopée de disques qui sortent aussi à Saint-Étienne. Et Radio Dio va à nouveau, une nouvelle fois, encore, comme d'habitude, officier dans son rôle de découvreur et découvreuse de talent. On va commencer par une musicienne qu'on a découverte l'an passé lors du tremplin de la ville de Saint-Étienne, appelée Nos Talents sur Scène, et qui est encore en cours en ce moment. La finale aura lieu au fil dans mois, un peu moins d'un petit mois maintenant. Je vous invite à aller sur l'agenda du fil pour cette soirée gratuite et découvrir les 6 talents qui ont été retenus par les membres du jury dont nous faisons partie. Lou Muguet l'an passé avait remporté plusieurs prix, dont le prix Radio Dio. Elle sort un premier EP 5 titres à présent, et si vous voulez découvrir son univers de chansons électroniques, eh bien vous en aurez l'occasion puisqu'elle sera mardi prochain en compagnie de Lionel pour une émission interview et live en direct, mardi prochain dans Des mots, des sons sensibles. Donc Lou Muguet, voici un extrait de son premier EP, le titre s'intitule Y a pas moyen. J'en peux plus de ce monde pseudo heureux, où le seul but est de faire des envieux. J'ai dit adieu aux reines du mieux. Y'a pas, y'a pas, y'a pas moyen. C'est toutes nos vies qui sont en jeu. Y'a pas, y'a pas, y'a pas moyen. Y'a pas moyen. Y'a pas. Quand je regarde dehors, c'est la loose. Monde contrôlé par la loi du flou. Et les graines de la révolte poussent. Révolution dans une chanson douce. Submergée par l'information. On reste bloqué dans l'inaction. On accuse l'autre génération. Comme ça on ne se pose pas de questions. J'en peux plus de ce monde pseudo heureux, et où le seul but est de faire des sons vieux. rester. Je dis adieu aux reines du mieux. Y'a pas moyen. C'est toutes nos vies qui sont en jeu. Y'a pas moyen. Adieu les faux semblants sur Instagram. Et ça me distrait, je ne vois plus le vrai drame. Il n'est plus le temps pour les larmes. Y'a pas moyen. Même les enfants brandissent des armes. Y'a pas moyen. Mes galopins, reine de l'inattention. Leur pas foncé lève tes crondes. Elle ne regarde que le cours des actions. Et crache ta la gueule du monde. Révolte, réprime, sous les coups. Ça marche plus, on se méfie de vous. Vous pouvez bien lancer vos pierres. Demain ne sera pas comme hier. J'en peux plus de ce monde pseudo heureux. Le seul but est de faire des envieux. Et je dis adieu aux reines du mieux. Y'a pas moyen. C'est toutes nos vies qui sont en jeu. Y'a pas moyen. Mais ensemble on aura tous les pouvoirs. On va faire la diff en tête et avoir. Dans l'unité il y a l'espoir. Y'a pas moyen. Je ne veux plus tout voir en moi. Y'a pas moyen. Y'a pas moyen. Y'a pas moyen. Y'a pas. Un flot qu'on peut déclencher, une avalanche. Si on se met tous ensemble, le monde tremble. Je n'en peux plus de rester là comme un manche. J'ai besoin d'un monde qui nous ressemble. Ça y est, c'est l'heure de la tempête. Le monde s'est déjà couvert de neige. On accueille le printemps en fait. Vieux monde sera pas du cortège. On rebâtira tout depuis les cendres. Ce monde ne doit plus jamais redescendre. Tout peuple uni en une seule fois. Y'a pas moyen. Ils écouteront, y'aura pas le choix. Y'a pas moyen. Y'a pas moyen. Y'a pas moyen. Lou Muguet, à l'instant sur le 89.5 de Radio Dio. Une autre sortie locale à présent est plus que locale, puisqu'elle est complètement diophilisée, comme on dit parfois. Enfin, je ne sais pas pourquoi on le dirait d'ailleurs, mais là en tout cas je l'ai dit. Il s'agit du nouvel album de Lion in Bed. Peut-être que vos oreilles fidèles se repaissent régulièrement des émissions de Michael et Sherazade, Listen in Bed le jeudi à 18h sur le 89.5. Peut-être les oreilles très très fidèles ont remarqué qu'il y a eu une légère pause et peut-être que vous serez satisfait de l'explication de la sortie d'un album. Tout simplement, Michael alias Angel aussi, et qu'on a vu dans moult formations pop défricheuses du côté de Saint-Etienne, revient donc avec cet album. Il s'intitule Whatever Together. Il l'aurait dit dans un accent beaucoup plus brillant et soyeux que le mien, et je m'en excuse. Ça sort chez Unique Records, me semble-t-il, à peu près comme d'habitude. Et là, on est vraiment dans de la pop ciselée, fine, satinée, qui bien entendu oscille avec de nombreuses influences éclectiques, les petites touches qui viennent d'un petit peu partout dans la musique de l'univers, de l'Occident, etc. J'ai choisi un morceau qui m'a accroché l'oreille, peut-être un petit peu moins pop, qui justement fait la synthèse avec ses influences de hip-hop un peu chaud aussi, qu'il a très bon goût à divulguer dans ses émissions. Le morceau s'intitule Power, Sherazade au chant, Lion in Bed sur le 89.5. Can I have your drink? No water, water. Remember yesterday, give me some power, power. Of course you stay for a shower, shower. Can I have your drink? No water, water. Can I have your drink? No water, water. Then let's go. She says, what the hell are you waiting for? She says, says 1, 2, 3, 4, 5, 6 bitches. I say 1, 2, 3, 4, 5, 6 bitches. What the hell are you waiting for? She says, what the hell are you waiting for? She says 1, 2, 3, 4, 5, 6 bitches. I say 1, 2, 3, 4, 5, 6 bitches. Dans les productions du Cru Commerce 100% local et 100% raisonnable. Et on va maintenant enchaîner deux sorties de notre label chouchou ici, Catapult Records, qui vous retrouviez dans l'émission Bandiroads, qui malheureusement s'est arrêtée et que tout le monde pleure encore. Une première sortie, par contre, eh bien, que l'on peut dédicacer aussi à cette antenne, puisqu'on y retrouve Benny Gordini, que vous retrouvez dans Bissoul le premier mercredi du mois. Et si vous écoutez en direct, c'est bien cet après-midi à 17h que l'on retrouvera le Bissoul mensuel. Benny Gordini en compagnie du Fiston, le Fiston fort actif dans le label Catapult Records donc, et qui officie dans ce groupe The Slow Slushy Boys, qui sortent un maxi 45 Master Plane et qui annonce un album qui sortira dans le mois de mai. Peut-être avez-vous eu la chance de les voir en concert ce week-end à Saint-Thé en compagnie du groupe Amazir à la cale. Eh bien, si ce n'est pas le cas, je vous propose de vous rattraper avec la version radio-édite de ce Master Plane. Voici les slow, de Defunk, excusez-moi, l'autre face de ce donc Defunk Master Plane. Bon, bref, j'en ai perdu mes mots. Voici de la musique. Thank you. Slow Sushi Boys sur le 895, sortie de Catapult Records donc, et une autre sortie qui est un groupe qui accompagne le label depuis un bon moment, puisque ce groupe s'est créé en Savoie en 2007. Il s'agit du collectif Les Pitons de la Fournaise, qui sortent après un album l'an passé, il me semble, un EP qui s'intitule « Tous étoiles » et qui continue à explorer la musique réunionnaise. Alors certes, de l'extérieur, on peut toujours se demander, la question est légitime, pourquoi un groupe savoyard est à ce point ancré dans une tradition qui est bien loin de la sienne, mais en tout cas, il y a beaucoup de curiosité, de respect, et puis quand même quelque chose de l'ordre de la petite innovation et de la touche personnelle chez les Pitons de la Fournaise. Un album cette fois plus qu'au Maloya, dédié vraiment à la musique Sega, un peu plus dansante j'irais, enfin bref, en tout cas une des deux traditions principales de La Réunion. Je vous propose un extrait instrumental de ce EP, il s'intitule Sega Zambrovat sur le 895. Agenda maintenant pour clore ce programme plus fort, j'entends rien, et un agenda que je vais citer mes sources, franchement, que je dédie au Queutru. J'espère que vous êtes déjà tombé à Saint-Étienne sur ce mini agenda subjectif au format A5 papier qui traîne à droite à gauche dans toutes les crèmeries de bon goût. et le que truc qui, je trouve, eh bien, subjectivise le subjectif de manière plutôt honorable. Je vais donc tomber dans la facilité et vous dévoiler un programme de ce milieu fin de semaine à Saint-Étienne, qui commencera ce mercredi 3 mai du côté de la Cale, rue Royer au Crédroc, où à 18h se tiendra une conférence intitulée « Précarité organisée, organiser les précaires » et qui est proposée par des membres de la CGT Précaires en lutte avec ce slogan « Qui sème la précarité récolte le bordel ». Jeudi 4 à présent, du côté de la superbe librairie L'une et l'autre à 19h, une rencontre autour du livre « Sur la sellette » qui consiste en des chroniques autour de la comparution immédiate. On va parler de justice et de monde carcéral. C'est sorti aux éditions du Bout de la Ville, hautement recommandable, et ça se fera en présence des auteurs et autrices du bouquin. Vendredi 5, cette fois, eh bien, une fois n'est pas coutume, tous les 15 jours, vous le savez peut-être, la Bédothèque vous accueille aux Arts du Forêt, histoire de prendre eh bien, des bandes dessinées de bon goût, en buvant un petit verre dans une ambiance agréable. C'est entre 18 et 21h. Du coup, du boulevard Robert Maurice, je me semble, en tout cas le fameux boulevard urbain au niveau de Tardy. Et tous les jours à partir de la fin de semaine, et ce pour toute la session de visionnage, rendez-vous bien sûr du côté de Bellevue dans la friche Mosser au grand luxe, puisque l'équipe nous a à nouveau concocté un nombre incroyable de projections de bon goût, rares, des classiques, des expérimentations, tout en pellicule, dans ce lieu où le bon goût est un art de vivre et où il est peaufiné au millimètre. Allez donc au grand luxe, bien entendu, bien entendu. Je vais finir ce magazine par un avant-goût du deuxième coup de cœur Ferrarock de la semaine. J'en ai parlé tout à l'heure, il s'agit du groupe Dead Chic et de cette EP qui s'intitule The Venus Ballroom. Je vous propose de finir en musique avec la première plage de ce disque que vous retrouverez, je le rappelle, dans Dig Dig Diggers vendredi. Voilà, en tout cas c'est fini pour moi. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur le 895 de Radio Do. Prenez soin de vous et de vos autres. Ciao. We'll be right back. c'était Dead Chic. Et j'ai omis de vous dire que ce disque était à gagner. Si vous vous appelez au 04 77 438 895, laissez bien vos coordonnées si vous tombez sur notre répondeur. Et faites de même si vous demandez ce disque par mail contact@radioaudio.org.